Et c'est ça qui rend moins fort. ses petites faiblesses. Une achille à dentelle en moins. Et risque nos vagues à mon bagage. Vrai à ciné, pas qui roche. Vous ayant ma souplée. Vous quittez-moi, gâtez plus loin. C'est où veillez, enfonciez-moi. Que découvert en rivière. Qui réservé pour moi tout seul. L'eau qui pleut douceur. Si es verdad. baby.